On va commencer tout de suite, inshallah. Inna alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutun ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on continue aujourd'hui avec le cours numéro 5 dans l'explication de Jama'at al-Tablir et ses égarements. Et on a cité la semaine passée une série de paroles des ulama de l'islam, de Ahl al-Sunnah wal Jama'ah, des ulama qui suivent la voie des salaf salih. On a cité plusieurs et aujourd'hui on va continuer encore une fois à en citer d'autres pour clarifier, hein, pour que les choses soient claires et pour que les gens sachent la réalité de la position des ulama de Ahl al-Sunnah au sujet de ces gens de bid'ah et de cette voie et de ce manhaj, de cette secte qu'on appelle Jama'at al-Tablir. Et donc on va commencer avec les paroles du Cheikh Al-Allama Cheikh Ahmed Al-Najmi, Ahmed ibn Yahya Al-Najmi. Le Cheikh il dit fatwa, il dit ومن علمائكم يا أهل السنة الذين بينوا ضلال هذه الجماعة الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي أعزه الله وسدده حيث ذكر في كتابه النافع المورد العذب الزلال في من تقد على المناهج الدعوية من العقائد والأعمال 25 ملحوظة تدل على ضلال هذه الجماعة وانحرافها وسئل رعاه الله عن منهج جماعة التبليغ فقال منهج جماعة التبليغ منهج صوفي يقوم على أربع طرق معروفة النقشبندية والقادرية والجستية وهم موغلون في التصوف أو موغلون في التصوف والعياذ بالله ويرون من عقيدتهم أن مشايخ الطرق إذا ماتوا يحيون ويأتون إلى أهليهم في صورة غير صورتهم الحقيقة وهذا كلام باطل المهم أن عقائدهم الباطلة كثيرة. Le Cheikh il explique que parmi les ulama d'Ahl al-Sunnah qui ont clarifié les garments de cette secte et de ce groupe, il y a le Cheikh Ahmed al-Najmi, hein, que Allah subhanahu wa ta'ala lui donne son paradis et le fasse rentrer dans Al-Firdaus, Amin. Il a écrit un livre qui s'appelle Al-Mawrid Al-Uzb Al-Zulal. Et dans ce livre-là, il a clarifié justement la position de plusieurs manahij, la position d'Ahl Sunnati Wal-Jama'a vis-à-vis de plusieurs manahij de da'wa contemporains qui ont des contradictions avec la aqidah et la voie d'Ahl Sunnah. Et parmi ces groupes-là qu'il a critiqués, il y a les Ikhwan, il y a les Sururiya, il y a également ce qu'on appelle les Tabliriyoun, c'est-à-dire les gens du Jama'at al-Tablir. Donc ceux qui veulent avoir plus de détails, il y a les clarifications à ce sujet-là dans le livre du Cheikh Ahmed al-Najmi. Hein, et il y a également une question qui a été posée au Cheikh dans une conférence qu'il a donnée, à la fin de cette conférence, dans les questions et réponses, on lui a posé la question au sujet de Jama'at al-Tablir. Et il a répondu à leur sujet en disant que Jama'at al-Tablir, c'est une Jama'a qui suit une voie qui est soufie, une voie soufiste, hein, qui est établie sur quatre voies qui sont bien connues. Al-Naqshbandiyya, Al-Sahrawardiyya, Al-Qadiriyya, Al-Jistiyya. Donc ça, c'est quatre turuq d'égarement parmi les turuq soufiyas. Et bien entendu, ils sont ces gens-là, ils baignent dans le soufisme. Les soufis, les tabliriyoun, ils baignent dans le soufisme. Ils ont un penchant très fort vers le soufisme. Wal'iyazu billah. Et ils considèrent que leur aqida, dans leur aqida, ils considèrent que leur shuyukh, quand ils meurent, ils reviennent à la vie dans une autre apparence, et puis ils viennent visiter leur famille. Donc ça, c'est des paroles, bien entendu, qui sont totalement fausses, des croyances qui sont totalement fausses, et ils en ont beaucoup comme ça. En fait, bien entendu, c'est pas chaque tabliri qui croit en ces choses-là, mais c'est des croyances qui sont prêchées dans la tariqa des fondateurs de cette tariqa et de cette voie de tablir. Donc, bien entendu, si des gens qui ont fondé un groupe ou une jama'a ont des idées pareilles, c'est normal qu'ils vont influencer les gens ou essayer de les faire pencher vers ces idées-là. Hein. Et moi, j'ai vu souvent dans les mosquées, lorsqu'ils venaient pour faire des bayans, des choses comme ça, ils vont mentionner des histoires pareilles, hein, ils vont mentionner des histoires comme ça, et puis ils vont raconter ça aux gens comme si c'était des choses réelles, et puis après, qu'est-ce qui se passe? Ils disent Allahu Akbar, Allahu Akbar, quand ils entendent ces histoires-là, ou quand ils racontent ces histoires-là, les gens dans l'assemblée, ils disent Allahu Akbar, Allahu Akbar, comme si pour encourager la personne qui raconte ces histoires, puis en même temps pour essayer de pousser les autres qui sont là à accepter et à croire ce genre d'idées-là. Et bien entendu, yani, c'est pas supporté par aucune preuve du Coran ou de la Sunna, et donc yani, ils ne font que propager ce genre de croyances et de superstitions, et c'est la méthode des soufiyines. On connaît beaucoup de ces histoires-là dans leurs livres. Le cheikh dit aussi qu'il y a un cheikh al-Luhaydan, un des grands ulama, qui était le chef juge en chef du tribunal supérieur ou la cour suprême de l'Arabie Saoudite à l'époque. Donc récemment il est retraité, je crois. Il est à la retraite, mais sinon ça a été le chef de la cour suprême de l'Arabie Saoudite pendant plus que 20 ans. Donc ce cheikh là fait partie des grands ulama, et le cheikh dit: "Wa min ha'ula al-ulama alladhina bayyanu dalal hadhihi al-jama'a fadilatu al-sheikh Salih ibn Muhammad al-Luhaydan, ra'is majlis al-qada' al-a'la, حيث قال في جواب له عن منهج جماعتي الإخوان المسلمين والتبليغ: الإخوان وجماعة التبليغ ليسوا من أهل المناهج الصحيحة، فإن جميع الجماعات والتسميات ليس لها أصل في سلف هذه الأمة. لشيخ الدي لشيخ اللحيدان كي إلى كلاريفي لغار إلى كلاريفي لغارنا de cette jama'a et de ce groupe. Et c'est le Cheikh Salih ibn Muhammad al-Luhaydan. Il a répondu au sujet de cette jama'a et aussi au sujet de jama'at al-Ikhwan. On lui a posé la question. Il a dit: les Ikhwan et jama'at al-Tablir ne font pas partie des gens qui ont un manhaj qui est correct. Ils ne font pas partie des gens qui sont sur le manhaj qui est correct. Parce que la plupart de toutes ces jama'at et toutes ces appellations n'ont aucun fondement dans la voix des salafs de cette umma. Ensuite, le cheikh il mentionne les paroles du cheikh Zayd al-Madkhali. Il dit: ومن علماء السنة الذين حذروا من الانتظام أو من الانضام أو الانضمام pardon إلى هذه الجماعة وغيرها من الجماعات الضالة فضيلة الشيخ الفقيه زيد بن محمد المدخلي غفر الله له، حيث قال مجيبا عمن سأله عن حكم الدخول في تنظيم جماعة التبليغ والإخوان: ليس لكم أن تدخلوا في تنظيم جماعة الإخوان جماعة التبليغ أو الإخوان، لما على هاتين الجماعتين من المآخذ والملاحظات في باب الاعتقاد وباب الولاء والبراء ومنهج الدعوة إلى الله وفي باب الجهاد وفي باب السلوك مع العلم الشرعي وأهله، وبالأخص من ينتقد شيئا من فقرات إحدى الجماعتين. والخلاصة أن في منهج الجماعتين كدرا بينما منهج السلف منهج صاف رحيم حكيم لانطلاق أهله من منطلق الرسل والأنبياء في دعوتهم إلى الله حقا وصدقا. Donc le cheikh il dit dans cette parole du cheikh Zayd al-Madkhali, qui fait partie des ulama d'Ahl al-Sunnah qui ont averti contre le fait de rentrer dans les rangs et dans le groupe de Jama'at al-Tablir et d'autres parmi les Jama'at d'égarement. Donc il a averti contre ces groupes-là, et c'est le cheikh bien entendu Zayd ibn Muhammad al-Madkhali, qui fait partie des grands ulama. Et il a répondu à une question qu'on lui a posée au sujet du fait de rentrer dans le groupe de Tablir ou le groupe des Ikhwan. Et le cheikh il répond, il dit, vous n'avez pas à rentrer dans l'organisation de Jama'at al-Tablir ou Jama'at al-Ikhwan, parce que ces deux groupes-là, ces deux sectes, ils ont beaucoup de points qu'on a pris contre eux et des observations qui ont été faites contre eux dans le domaine de la croyance, dans le domaine de al-wala wal-bara, dans le domaine de la da'wa ilallah, dans les questions de jihad, dans les questions de souluk, de comportement et d'adoration et des choses de ce genre. Donc ils ont également un problème dans la façon dont ils agissent par rapport aux hommes de science, par rapport à la science de la sharia, et en particulier les problèmes qu'ils ont par rapport au fait de se faire critiquer, hein, ces deux groupes-là n'acceptent pas quand on les critique. Donc ça c'est des exemples. Ils s'éloignent des ulama et ils détestent ceux qui critiquent. Donc le résumé, ou bien en résumé, on peut dire que le manhaj de ces deux jama'at, eh ben c'est un manhaj qui a plein de problèmes dedans, qui est contraire à la voie des salaf salih. Tandis que la voie et le manhaj des salaf, c'est un manhaj qui est pur, qui est miséricordieux et qui est basé sur la sagesse, et qui part à la base du fait qu'il est établi sur la méthodologie et la voie des messagers et des prophètes, et de la façon dont ils ont fait la da'wah, comment ils ont appelé Allah subhanahu wa ta'ala en toute vérité et en toute sincérité. Donc étant donné que le manhaj des salaf, il est basé sur la méthodologie et la voie des messagers d'Allah et la voie des prophètes d'Allah, alayhimu salatu wa salam, et donc ça veut dire que ce manhaj, c'est le manhaj qu'on doit suivre, et le manhaj de la vérité. Donc tout ce qui est opposé à ça, on doit s'en écarter et s'en éloigner. Donc ça c'est la parole du cheikh Zayd al-Madkhali à ce sujet là maintenant le cheikh il mentionne les paroles du cheikh al-Rajihi. يديه من علماء الذين حذروا من جماعة التبليغ والخروج معهم فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله الراجحي حفظه الله، حيث قال كثرت الأسئلة عن جماعة التبليغ، ونقول جماعة التبليغ المعروف أنهم صوفية لا ننصح بالخروج معهم، لأنهم لا يدعون إلى الكتاب ولا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر ويأمرون بالخروج أخرج أخرج. ثم قال جماعة التبليغ إذا أمرتهم بالتوحيد لا يمكن أن يتركوك إذا أمرتهم بالتوحيد لا يمكن أن يتركوك. يقولون لا تدعو إلى التوحيد، لا تأمر بالمعروف، لا تنهى عن المنكر، أدعو إلى كذا وكذا، ولا تتكلم في أحد. المقصود أننا ننصح الطلبة بالإقبال على طلب العلم، المقصود أننا ننصح الطلبة بالإقبال على طلب العلم والتعلم والتفقه والتبصر في الدين، ثم بعد ذلك الدعوة إلى الله. لشيخ الدي que parmi les ulama qui ont averti également contre la secte de Jama'at al-Tabligh et du fait de sortir avec eux, il y a le cheikh Abdul Aziz ibn Abdullah al-Rajihi, hafizahullah. Et il a dit dans une de ses fatawas, il dit, il y a beaucoup de gens qui ont posé la question au sujet de Jama'at al-Tabligh. C'est un groupe, une secte, qu'on les appelle Jama'at al-Tabligh, qui sont connus par ce nom-là. Il dit, c'est connu ces gens-là que ce sont des soufis. Et on ne conseille à personne de sortir avec eux, parce qu'ils n'appellent pas au tawhid. Et ils n'ordonnent pas le bien, ils n'interdisent pas le mal. Et ils ordonnent aux gens de sortir. Ils disent sortez, sortez. Hein? Sors, sors. C'est ça ce qu'ils disent aux gens. Puis ensuite, il dit, Jama'at al-Tablir, si tu leur ordonnes le tawhid, il n'est pas possible qu'ils te laissent. C'est-à-dire, ils ne vont pas te laisser appeler les gens au tawhid et ordonner aux autres de parler du tawhid. Ils ne vont pas te laisser la parole. Ils disent, n'appelle pas les gens au tawhid, n'ordonne pas le bien, n'interdis pas le mal. Hein? Appelle à telle ou telle chose, mais ne parle pas au sujet de quiconque. Ne critique personne, ne parle pas contre personne. Et le cheikh dit, qu'est-ce qu'on veut dire? C'est qu'en fait, on donne un conseil aux étudiants de se diriger vers la science et l'apprentissage et la compréhension, d'acquérir la compréhension et la science de l'islam et d'avoir la science de la religion. Puis ensuite, de faire la da'wa à Allah. Mais tu ne fais pas la da'wa avant d'avoir appris. Et c'est ça que le problème de Jama'at al-Tablir, ils veulent faire la da'wa à Allah, mais ils n'ont pas d'ilm. Et ils essaient de faire de la da'wa en donnant des exemples, hein, puis en essayant de donner, en racontant des histoires, des anecdotes. Et ils pensent que c'est ça qui correspond à la science. Bien entendu, c'est pas ça la science, et c'est pas ça qui nous permet de faire la da'wa. Il faut vraiment avoir une base, il faut vraiment avoir une compréhension de cette religion-là, et il faut bien entendu pas se limiter juste à appeler les gens à faire qu'est-ce qui est bien et à parler aux gens des mérites de faire telle ou telle bonne œuvre ou telle bonne action, mais il faut aussi être capable de les avertir contre qu'est-ce qui est dangereux pour eux dans leur religion et dans leur croyance. Le cheikh il dit ومن علمائكم يا أهل السنة الذين بينوا حقيقة هذه الجماعة الوافدة فضيلة الشيخ عبيد ابن عبد الله الجابري المدرس بالجامعة الإسلامية حيث قال عزه الله في جواب له عن هذه الجماعة جماعة التبليغ صوفية مقنعة وما تظهره من الدعوة إلى الله فهو الستار الصوفية والحزبية ولهذا هم يبايعون من وثقوا منه بعد تجربة طويلة على طرق صوفية أربع وهي النقشبندية والسهروردية والقادرية والجستية وهذه الطرق الصوفية التي تسدل عليها الستار بما يظهر أنه دعوة إلى الله ومن مسلكها أن أتباعها لا يستفيدون علما ومن كان منهم ذا علم فهو لم يستفده منهم ومن كان منهم صحيح العقيدة فإنه لم يتعلم ذلك منهم. Le cheikh il explique, il dit parmi vos ulama, ya ahl al-sunnah, qui ont clarifié la réalité de cette jama'a, de cette secte de Tablir, il y a le noble cheikh Ubayd ibn Abdullah al-Jabiri rahimahullah wa hafizahullah, qui était professeur à la Jami'a. Non, il n'est plus professeur à la Jami'a, mais il faisait partie des shuyukh qui enseignaient à la Jami'a. Maintenant il donne des durus encore, mais pas dans la Jami'a, mais à la mosquée, dans sa mosquée. Donc yani on lui a posé la question au sujet de Jama'at al-Tablir, et il a répondu à ce sujet-là. Il a dit Jama'at al-Tablir, la Jama'at al-Tablir, c'est une forme de soufisme qui est camouflée. C'est un soufisme camouflé. En apparence, ils montrent qu'ils font la da'wa à Allah, mais en réalité c'est une couverture pour le soufisme et pour la hizbiya, pour le partisantisme et le groupe. Les partisantismes, les gens qui sont divisés en partis, en groupes et en sectes. Hein? Donc en réalité ils te montrent qu'ils font la da'wa à Allah, mais c'est une couverture qu'ils utilisent pour faire la propagation et pour propager le soufisme et l'égarement. Et donc ceux parmi ceux qui sont avec eux pendant, qui ont une longue expérience avec eux, qui sont restés avec eux et à qui ils ont, ceux en qui ils ont confiance, une fois qu'ils ont vu que la personne est restée longtemps avec eux et ils ont confiance en cette personne, ils vont lui demander, ou bien ils vont prendre de cette personne un serment d'allégeance pour 4 turuq soufiya. Hein? Et ce sont les turuq parmi les turuq soufiya comme al-Naqshbandiya, al-Saharwardiya, al-Qadiriya et al-Jistiya. Ça, ce sont 4 parmi les turuq soufiya. Et ce sont les 4 turuq soufiya qui, sur lesquels ils mettent la couverture et ils montrent en apparence qu'ils appellent à Allah subhanahu wa ta'ala, alors qu'en réalité, derrière ça se cache ses voies soufismes. Et il dit que celui parmi les gens qui suivent cette voie et qui rentrent avec eux dans leur secte, ils ne vont pas profiter d'aucune science. Et il dit que si quelqu'un parmi eux a de la science, ou si quelqu'un a de la science et qu'il va avec eux, eh bien, ils ne vont pas en profiter de sa science. Ils ne vont pas essayer de profiter de la science que cette personne-là détient. Et si parmi eux, il y a quelqu'un qui a une aqida qui est correcte et qui est bonne, eh bien, c'est pas de eux qu'il l'aura appris. Il l'aura appris d'en dehors ou de l'extérieur de ce groupe. Et ce que le Cheikh Ubayd al-Jabri est en train d'expliquer, Hafizahullah, eh bien, je l'ai vu moi-même, j'en ai été témoin personnellement, et j'ai vu des gens qui sont rentrés dans ce groupe et qui sont restés des années avec ce groupe-là, et yani Allah musta'an, ils n'ont rien appris. Ils n'ont rien appris, ni de l'arabe, ni de la science, ni de rien, quoi que ce soit. Après 20 ans dans ce groupe, et même plus que 20 ans, ils sont au même degré, au même niveau que ce qu'ils étaient lorsqu'ils sont rentrés dans l'islam. Allah al-Musta'an. Et certains d'entre eux, c'est pire encore, c'est qu'ils sont rentrés dans le groupe et ils n'ont jamais cessé de sortir avec le groupe et de faire des voyages un peu partout dans le monde. Mais qu'est-ce qui arrive par la suite? Quand ils sont revenus à Montréal, ça c'est des gens qui sont restés plus que 20 ans. Et ça c'est des gens qui étaient convertis à l'islam. Avant moi, quand je suis rentré dans l'islam, eux, ils étaient déjà musulmans depuis des années. Eh bien, aujourd'hui, ces gens-là, quand ils ont cessé de sortir avec la Jama'a Tabligh, ils ont cessé de sortir avec eux, puis d'être actifs avec eux, ils sont retournés à leur voie qu'ils avaient avant l'islam. Hein? Allah al-Musta'an. C'est pour vous montrer comment c'est en fait, ces gens-là, souvent, c'est que c'est des gens qui trouvent à l'intérieur de Jama'a Tabligh un genre d'atmosphère. Et il reste avec Jama'at al-Tablir pour toujours rester dans cette atmosphère-là, pour toujours se sentir protégé à l'intérieur de cette Jama'at. Parce qu'il retrouve une atmosphère qui les sécurise, qui leur rappelle de faire des adorations et de faire du bien et de se rappeler d'Allah. Mais quand ils sortent de cet environnement-là, ils retournent à la voie qu'ils avaient auparavant. Et ils délaissent ce qu'ils font lorsqu'ils sont avec la Jama'a. Donc c'est comme si en réalité c'est une sorte de façon de s'enfuir en fait du mal, mais de pas être capable non plus de l'affronter, puis de s'opposer non plus à ce mal, pour justement faire en sorte de rester ferme, peu importe dans quel contexte tu vas être, dans quel environnement tu vas être. Hein? Tandis que si tu ta pratique de l'islam et ta compréhension de l'islam, elle est basée sur une science, peu importe où tu vas aller, hein, tu ne vas pas te laisser influencer par l'entourage ou l'environnement qui est autour de toi. Tu vas rester ferme, et donc au lieu de fondre dans la société par la suite, puis de te sentir attaqué par l'environnement, tu vas être capable, inshallah, d'ordonner le bien, d'interdire le mal, et d'appeler les gens et d'enseigner aux gens les enseignements de l'islam, malgré que l'environnement est mauvais et qu'il y a beaucoup de problèmes autour. Donc c'est très important de pas juste rentrer dans un environnement pour se protéger de quelque chose, mais de rester franchement et sincèrement attaché à la vérité et de se baser sur la science et non pas juste sur des émotions ou des sentiments. ou des sensations comme certains soufis qui se basent uniquement sur ce genre de choses-là. Le cheikh dit ensuite وَلَقَدْ كَانَ لِلْمَرْجَعِيَّ وَلَقَدْ كَانَ parce que là ils vont citer une fatwa de لَجْنَةُ الدَّائِمَ le comité permanent de fatwa en Arabie Saoudite. Ils ont donné une fatwa au sujet de Jama'a Tabligh. لَقَدْ كَانَ لِلْمَرْجَعِيَّ العلمية عندنا دور بحمد الله في التحذير من هذه الجماعة الوافدة فقد صدر من اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية فتيا في جماعة التبليغ مما جاء في ومما جاء فيها ça c'est une fatwa qui a été faite par le comité permanent de l'IFTA en Arabie Saoudite. Ils ont fait une fatwa et ils ont averti contre Jama'at al-Tablir. Parmi les fatwas qu'ils ont fait au sujet de Jama'at al-Tablir, ils ont clarifié des choses à leur sujet. Le numéro de la fatwa c'est 1674 et la date de cette fatwa c'est 1397, le premier mois et le septième jour de ce mois. Donc le cheikh il dit quoi? Ou bien la fatwa, il dit quoi? Il dit Inna jama'at al-tablir ghalat fil musalama wassalbiya wal ijmal fi ad-da'wa hatta tarakat al-kalam fi tafasil 'aqidat at-tawhid wa huwa asl al-islam wa huwa alladhi bada'at bihi ar-rusul 'alayhim as-salatu was-salam da'watuhum yani bada'a bihi ar-rusul 'alayhim as-salatu was-salam da'watuhum ولم يعرف عن جماعة التبليغ أنهم وقفوا مواقف الرسل عليهم الصلاة والسلام في الدعوة إلى تفاصيل الشريعة أصولها وفروعها وإنما لديهم مجرد خروج وإجمال في الدعوة لا يصل بمن يخرج معهم إلى وعي إسلامي أو معرفة بتفاصيل دينه وليس في هذا اتباع لسنة الرسل عليهم الصلاة والسلام. Donc le premier point qui est expliqué dans cette fatwa, c'est que Jama'at al-Tablir, ils ont exagéré dans le fait de vouloir montrer qu'ils sont des gens qui sont des gens pacifistes et des gens doux en apparence, et qui ont exagéré aussi dans le fait qu'ils font une da'wa générale. Et ils ont abandonné la parole dans les questions détaillées de la aqidah du tawhid. Et dans les fonds, et dans les bases, ils ne parlent pas des bases de l'islam non plus. Et on sait tous que le tawhid, c'est ce par quoi a commencé les messagers, c'est ce par quoi ils ont commencé leur da'wah. Et on n'a pas non plus connu de la part de Jama'at al-Tablir qu'ils ont pris les positions des messagers dans leur da'wah. Dans le fait qu'ils n'ont pas appelé au détail de la charia dans ses fondements et dans ses principes qui en découlent. Et donc, ils ne se basent que juste sur le fait de vouloir sortir et d'appeler, mais d'appeler d'une façon générale. Et la façon dont ils font leur da'wa, ça n'amène pas quelqu'un à sortir avec une compréhension et une compréhension islamique, une compréhension complète de la religion, correcte de la religion, une connaissance de la religion dans ses détails et dans ses fondements et dans ses principes. Donc ça c'est pas en accord avec le fait de suivre l'exemple des prophètes alayhi salatu wassalam. Donc il y a un point ici qui est mentionné dans cette fatwa, dans le début de cette fatwa, c'est très très intéressant ici parce que ça nous montre que parfois les erreurs de certaines personnes, c'est pas nécessairement dans ce qu'ils font ou dans ce qu'ils disent, mais parfois c'est dans ce qu'ils ne font pas et dans ce qu'ils ne disent pas qu'ils ont des erreurs. Des fois, par exemple, il y a des prêcheurs islamiques qui font de la da'wa ou qui disent faire la da'wa, et les gens disent ouais, mais bon, ils disent pas rien de faux, ils disent pas des erreurs. Ça c'est quand ils ne font pas d'erreurs apparentes. Sauf que un de leurs problèmes à ces prêcheurs là c'est que même s'ils ne disent pas rien de incorrect en apparence, mais ils ne disent pas non plus la vérité qui doit être clarifiée au moment où elle doit être clarifiée. Et ils n'expliquent pas les bases et les fondements de la religion, et le tawhid, et l'aqidah, et les choses de ce genre. Donc c'est comme si en réalité, tu te dis, bon, ils ont pas de faute apparente dans leur parole, mais les choses qu'ils devraient expliquer, les choses de base qu'ils devraient enseigner, et les choses qu'ils devraient expliquer et avertir les musulmans, ils n'en parlent pas. Donc ça c'est un problème en réalité, un grave problème. Et donc c'est comme le cheikh il dit ici, ils ont abandonné la parole au sujet des principes et des détails de la aqida du tawhid, hein, et des fondements de l'islam. Donc ça c'est un problème, ça c'est un grave problème. Le cheikh il dit ensuite, dans la fatwa, on dit su'ilat al-lajnat al-da'ima. Al-lajnat al-da'ima an مواظبه جماعه التبليغ على مذاكره الصور العشر الاخيره من القران واعتكافهم يوم الخميس باستمرار وتحديد الخروج بثلاثه ايام ثم 40 يوما ثم 4 اشهر والدعاء الجماعي بعد كل بيان واجابت بقولها ما ذكرته من اعمال هذه الجماعه كله بدعه فلا تجوز مشاركتهم حتى يلتزموا بمنهج الكتاب والسنة ويتركوا البدع في أقوالهم وأعمالهم واعتقاداتهم. شيخ, ils ont posé la question au Lajnat al-Da'ima, le comité de fatwa, et ils ont mentionné les points au sujet de Jama'at al-Tabligh, du fait qu'ils s'assoient pour se rappeler les 10 dernières sourates du Coran, et de faire l'i'tikaf le jeudi de façon continuelle, et de délimiter le nombre de jours dans lesquels ils sortent, comme par exemple 3 jours ou 40 jours ou 4 mois, et de faire le dua en groupe après chaque bayan qu'ils font, et le comité permanent de fatwa qui était présidé par le cheikh Abdelaziz Ibn Baz à l'époque, rahimahullah. Ils ont répondu en disant ce que tu as mentionné au sujet des actions de cette jama'a, tout ça c'est innovation, tout ça c'est bid'a, et il n'est pas permis de travailler avec eux ou de faire ces actions là ou d'être disons de participer avec eux jusqu'à ce qu'ils aient suivi le manhaj du Coran et de la Sunna, et qu'ils aient abandonné les innovations dans leurs paroles et dans leurs actions et dans leurs croyances. Donc ça c'est un rappel à ce sujet-là. Et je me souviens, Yannick, de la part de certains d'entre eux, les gens qui suivaient Jama'at al-Tabligh, à chaque fois qu'on leur parlait, chaque fois qu'on leur expliquait certaines choses au sujet de l'islam, et qu'on leur disait que ce qu'ils font c'est des innovations ou c'est des bid'ah, ils disaient, ah, mais pour vous, tout est bid'ah, hein, tout est bid'ah, bid'ah, bid'ah, bid'ah, bid'ah. Il n'y a rien qui est correct, il n'y a rien qu'on peut faire. Et le problème, c'est souvent de ces gens-là, c'est que ils n'ont pas appris la sunna. Et donc, tout ce qu'ils connaissent dans la religion, c'est les innovations. Et si tu veux leur apprendre la sunna par la suite, ils commencent à dire, ah, mais non, mais tout est bid'ah. Donc c'est ça le danger lorsque des gens ont appris la religion par des innovations. Par la suite, quand tu vas leur apprendre la sunna, ils veulent plus accepter la sunna. Parce que tout ce qu'ils ont connu, pour eux, tout ce qui est bien, tout ce qui est pratiqué dans leur famille ou dans leur maison ou dans leur pays, c'est les innovations. Et quand tu leur arrives avec la sunna, ils la rejettent. Ils la rejettent. Donc ça, c'est le problème souvent de ces gens-là. Ils ne se basent pas sur les fondements et les principes. Ils suivent aveuglément qu'est-ce qu'ils ont appris, là où ils ont appris leur religion, et c'est tout. Le cheikh, il dit ensuite, on a questionné, il dit, « وَسُئِلَتْ أَلَّجْنَةُ الدَّائِمَةِ عَنْ كِتَابِ فَضَائِلَ الْأَعْمَالِ لِمُحَمَّدْ زَكَرِيَّ فَأَجَابَتْ بِقَوْلِهَا لَا تَجُوزُ قِرَاءَةُ كِتَابِ فَضَائِلَ الْأَعْمَالِ وَغَيْرِهِ مِمَّا يَشْتَمِلُ عَلَى الْخُرَافَاتِ والحكايات المكذوبة على الناس في المساجد أو غيرها لما في ذلك من تضليل الناس ونشر الخرافات بينهم. On a posé la question au comité permanent de fatwa au sujet de leur livre, le livre qui est écrit par un de leurs chefs, Mohamed Zakaria, hein, le livre qui s'appelle Fada'il al-A'mal. À la base, ce livre s'appelait Tablir al-Nisab, mais lorsqu'ils ont vu que les gens commençaient à critiquer de plus en plus ce livre, qu'est-ce qu'ils ont fait? Au lieu de corriger le livre et d'enlever les choses qui étaient incorrectes dedans, ils ont changé le nom. Ils l'ont appelé Fadha'il al-A'mal à la place. Donc ça, c'est pour montrer comment ils sont rusés. Comme disait un frère par rapport à qu'est-ce qui se passait justement quand on était en Afrique, à propos d'un charlatan qui s'appelle Ben Halima, hein, qui était un des membres lui aussi de Jama'at al-Tabligh, et je pense que c'est un ingénieur, ou en tout cas son domaine, c'est pas un domaine de l'islam, il n'a pas étudié l'islam, mais là il s'est improvisé comme un raqi. Maintenant il est devenu raqi, il fait de la ruqya, mais il utilise toutes sortes de formes de sihr et des formes de sha'waza et de charlatanisme et de sorcellerie, de mensonge pour faire ses ruqyas. Et justement, un des frères qui le connaît, Yanni, qui a eu des discussions avec lui et des débats avec lui lorsqu'ils étaient en Afrique, eh ben ils ont débattu avec lui sur plusieurs des points. Et il y a un des shuyukh là-bas, un des salafiyins au Burkina Faso, qui s'appelle Cheikh Mohamed Kendo, justement il a eu un débat avec ce Ben Halima. Il lui a montré que les façons dont il faisait la da'wa, les façons dont il faisait la ruqya, pardon, c'était des façons qui étaient en contradiction avec le Coran et la Sunna. Et il a dit à la fin de ce débat et de cette discussion qu'il allait faire des corrections. Sauf que malheureusement, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que quand il est rentré chez lui, au lieu de faire des corrections dans sa façon de faire la ruqya, il a envoyé un message à ses membres par email pour leur dire que le cheikh Mohamed Kendo était d'accord avec ce qu'il faisait et que c'était correct. Il a dit que au lieu de faire les corrections, il a dit dans les endroits ou les pays où il y a des salafis, on va changer la méthode. Au lieu d'utiliser, par exemple, le fait de, par exemple, comme il disait, si à quelqu'un qui voulait avoir une guérison ou des choses comme ça, il conseillait d'aller mettre de l'eau sur une tombe pendant plusieurs jours, etc., de faire des trucs comme ça, des choses bizarres. Eh bien, subhanallah, il dit, dans ces endroits-là où il y a des salafis, on ne va plus faire ça. On va changer la méthode et on va utiliser des versets de Coran à la place de ces actions-là, pour pas se faire critiquer. Mais dans les autres endroits où il n'y a pas des salafis, là vous pouvez continuer la méthode habituelle. Hein? Et là, bien entendu, il a menti sur le cheikh Mohamed Kendo en disant que le cheikh Mohamed Kendo était d'accord avec ce qu'il faisait. Ça, c'est un mensonge. Et deuxièmement, il a utilisé cette ruse que beaucoup de gens de Bid'a ils utilisent. C'est qu'ils s'adaptent à l'environnement où ils sont. S'ils voient qu'il y a des... dans un endroit, il y a des salafis, ils changent de discours, ou ils changent de méthode. Et donc, les tablighiyin, quand ils vont dans des pays arabes, ils ne vont pas utiliser tablighi nisab, ou bien fadha'il al-a'mal. Ils vont utiliser riyad al-salihin pour les arabes. Hein? Et entre eux, ils continuent à utiliser tablighi nisab et fadha'il al-a'mal. Donc c'est pour dire comment parfois ces gens-là ils agissent. Hein? Et donc alhamdoulillah, le frère en question, donc quand je parlais à propos de Ben Halima, qu'est-ce qui est arrivé justement, c'est que le frère, il a reçu l'email qu'il a envoyé à ses fidèles et à ses membres là qui sont avec lui, qui travaillent dans le charlatanisme et qui égarent les gens. Eh bien, il a reçu une copie de ce email. Il dit, je sais pas comment ça se fait, ils se sont peut-être trompés, ils m'ont envoyé une copie. Et donc, le frère, il a l'email avec lui comme preuve de ce qu'il a dit et tout, et il me l'a montré même. Donc, c'est pour vous dire comment ces gens-là sont rusés. Eh bien, Jama'at Tabligh, ils utilisent cette même méthode. Ils changent selon l'endroit. Dans les pays arabes, ils vont adopter un autre discours pour éviter de se faire critiquer. Ils utilisent même d'autres livres. Tandis que avec les Pakistanais, les frères du Bangladesh et Pakistanais et les autres pays, ils vont utiliser leur livre de base Tablighi Nisab. Donc, il dit, dans cette fatwa de la Junta Daima, la réponse au sujet de ce livre, ils ont dit, il n'est pas permis de lire le livre Fadha'il al-A'mal, ni aucun autre livre qui contient des des superstitions et des mensonges, et on n'a pas le droit donc de lire ça aux gens de la mosquée ou ailleurs, autre que la mosquée, parce que si, ça c'est des choses qui vont égarer les gens et qui va faire propager parmi eux les fausses croyances et les mensonges et les khurafats entre, parmi eux. Donc ça c'est une fatwa de la Jannatul Da'ima, et c'est la fatwa 21412. Donc ça c'est à ce sujet-là. Ensuite, وصدر من اللجنة الدائمة فتوى مطولة في التحذير من كتاب تبليغ نصاب وكتاب تاريخ مشايخ جست كلاهما لمحمد زكريا مما جاء فيها وما نقل في هذه الكتب مما ذكر في السؤال من البدع المنكرة والخرافيات التي لا تستند إلى حقيقة شرعية ولا إلى أصل من كتاب الله أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ولا يقول بذلك ولا يعتقده إلا من انتكست فطرته وعميت بصيرته وضلت عن سواء السبيل. Et ben ici la fatwa c'était aussi, il y a une fatwa qui avait été faite par Lajnatul Da'ima qui était une fatwa très longue et c'était un avertissement contre le livre Tablir al-Nisab. On a dit Tablir al-Nisab et Fada'il al-A'mal, c'est le même livre, hein. Et justement Cheikh Rabi il a expliqué ça dans un de ses livres. Il a dit on est allé en aide et on est allé dans une librairie, on a demandé une copie de du livre Tablir al-Nisab. Ils ont dit en fait la personne qui vendait les livres, il leur a donné une copie de du livre Fada'il al-A'mal. Ils ont dit non, on veut pas le livre Fada'il al-A'mal, on veut le livre Tablir al-Nisab. Et le vendeur, il a dit Tablir al-Nisab, c'est la même chose que Fada'il al-A'mal, c'est le même livre. Alors là les cheikhs ont su que Cheikh Rabi et les autres machaykh, ils ont su que c'était juste une forme de tadlis qu'ils ont fait. Ils ont changé le titre seulement. Après donc la question c'est au sujet du livre Tablir al-Nisab et d'un autre livre qui s'appelle Tarikh Mashaykh Jist, hein, les shuyukhs de l'histoire de, des shuyukhs ou non c'est ça, l'histoire des shuyukhs de Jist. Jistiyya, yani la tariqa soufiya Jistiyya. Et donc c'est un livre qui parle des shuyukhs de cette tariqa. C'est et les deux livres Tablir al-Nisab et Tarikh Mashaykh Jist sont écrits par le même auteur, Mohamed Zakaria, qui est un des fondateur d'établir, un des chefs d'établir, qui écrit pour la Jama'a. Donc, dans la fatwa qui a été faite au sujet de ce livre-là, et de ces deux livres-là, qui est la fatwa 20234 dans les recueils de fatwa, volume 2, à la page 97 et 101, Na'am, donc, dans cette réponse, il y avait la parole suivante. Il dit, ce qui est rapporté dans ces livres, parmi qu'est-ce qui a été mentionné dans la question de bid'a, qui sont des choses mauvaises, parmi les bid'a qui sont dans ce livre, et les superstitions et les faussetés qui sont dans ce livre, qui ne retournent à aucune réalité dans la charia, et qui n'ont aucun fondement dans le Coran et dans la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et que personne qui a une bonne aqidah va répéter ces choses-là, excepté s'il a une fitra qui a été renversée à l'envers et qui a été aveuglée dans sa compréhension et qui s'est égarée du droit chemin. Donc ça c'est des avertissements justement au sujet de ce livre pour dire que ce livre il ne se base sur aucune réalité de la charia, aucune preuve du Coran et de la sunna, et que les certaines, en fait c'est, il y a beaucoup de choses dans ce livre là justement qui sont fausses et personne ne peut les accepter excepté si sa fitra elle a été renversée et qu'il a été aveuglé et égaré du droit chemin. Donc ça c'est la réalité de ce qu'on retrouve dans les livres de ces gens de Bid'a et de ces gens de Soufiya. Donc là on a fini de citer les paroles des mashaykh et des ulama au sujet de Jama'at Tablir dans le livre du Cheikh Sultan Al-Aid. Et le Cheikh maintenant, le Cheikh Sultan Al-Aid, après avoir cité les paroles de ses shuyukhs, maintenant, il rentre dans la mention d'un témoignage qui a été écrit par une des personnes qui était membre de Jama'at al-Tablir, qui est restée avec eux pendant des années. Et lorsqu'il a quitté cette secte, il a écrit un témoignage pour expliquer qu'est-ce qui se passe dans cette jama'a, dans cette secte. Et puis il a envoyé ça au Cheikh Ibn Baz. Et justement, on va lire des parties de cette de ce témoignage. Il dit: هذه شهادة رجل من أهل هذه البلاد صاحب الجماعة سنوات عديدة وعرف منهجها وأعمالها وكان منافحا عنها حتى بصره الله بضلالها فكتب ودون شهادته وهو من أحسن من وهو من أحسن من كتب عن جماعة التبليغ من الداخل فصدق ونصح جزاه الله خيرا ودون ذلك في رسائله لسماحة مفتي الديار السعودية الشيخ عبد العزيز بن باز ولرئيس جماعة التبليغ إنعام الحسن ألا وهو الشيخ سعد الحسين الملحق الديني بالأردن حيث يقول وفقه الله. Donc, le cheikh, il dit que ça, c'est le témoignage d'un homme qui a été pendant des années avec Jama'at al-Tabligh, hein, dans l'Arabie Saoudite. Un homme de l'Arabie Saoudite qui était pendant des années avec Jama'at al-Tabligh. Il a connu son manhaj et ses actions. Et il les défendait. Jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse voir clairement les égarements de cette Jama'at. Et donc, il a écrit son témoignage. Et c'est qu'est-ce qu'il y a de mieux parmi qu'est-ce qui a été écrit au sujet de Jama'at al-Tabligh à partir de l'intérieur. Et il a été sincère, il a donné le conseil que Allah le récompense en bien. Il a écrit donc ce message qu'il a, cette lettre qu'il a écrite et qu'il a envoyée au chef de Jama'at al-Tabligh, Inam al-Hassan, et également au cheikh Abdul Aziz ibn Baz. Et cette lettre, elle a été citée par le Cheikh Salim al-Hilali dans son livre Al-Jama'at al-Islamiyya, à la page 462 et 474. Et là, il a cité des parties de cette lettre. Donc, cette lettre, il a écrit, il l'a envoyée. C'est le Cheikh Saad al-Husayn. Et il est comme, je pense, conseiller religieux ou quelque chose comme ça dans en Jordanie. Donc il a dit, وفق الله الدعوة على منهج التبليغ قد عايشتها ثمان سنوات ليست موافقة لشرع الله في أسلوبها ولا محتواها فإن ترتيب الخروج 3 أيام أو 40 يوما أو 4 أشهر تحديد موضوع الدعوة بالكلام في الصفات الستة وقراءة الصور العشرة القصار بعد الصلاة كل فجر والتعريف بالجماعة بعد كل صلاة الظهر والدعوة إلى الجولة بعد صلاة كل عصر والبيان في تفصيل الصفات الستة بعد صلاة كل مغرب والقراءة في حياة الصحابة للكندهلوي بعد صلاة كل عشاء وتوزيع الجماعة بين جالس للذكر وقارئ لرياض الصالحين ودليل ومتكلم في الجولة وتحديد الكلمات في الجولة والإعلان كل هذا وأمثاله تحديد وإلزام والالتزام لم يجئ به شرع الله ولم يعرف عن السلف الصالح هذا الأسلوب. Donc il commence en disant que la da'wa selon le manhaj de Tabligh, il dit je l'ai vécu pendant plus de 8 ans, il a dit elle n'est pas en accord avec la sharia d'Allah dans sa méthode et dans sa façon et dans son contenu. Elle est basée sur, comme par exemple le fait d'établir le nombre de jours dans lequel on va sortir, comme 3 jours ou 40 jours ou 4 mois. Ça, c'est pas quelque chose qui est délimité par l'islam et par la charia. Ou le fait de délimiter le sujet de la da'wa, du sujet de quel on parle, en parlant uniquement des 6 caractéristiques ou des 6 qualités. qu'ils ont établi ou qu'ils ont mentionné, ou le fait de se limiter à lire uniquement les 10 petites sourates, les 10 dernières sourates du Coran après chaque fajr, chaque prière de fajr, ou bien de après chaque prière de dhuhr de présenter la jama'a, de parler de la jama'a, après chaque prière de asr de faire une jawla après la salat pour aller visiter les gens, et le bayan au sujet des détails de ces 6 qualités après chaque prière de maghrib, et de réciter ou de lire le livre Hayat al-Sahaba qui est écrit par le fondateur de cette secte Al-Kandahlawi après chaque prière de Isha, et de diviser les occupations des gens qui sont dans la mosquée pour se diviser en différents groupes dans la mosquée, et certains vont s'asseoir pour faire le dhikr, donc d'autres vont lire Riyad Salihin ou faire d'autres actions, et de diviser les gens lorsqu'ils font la jawla, hein, lorsqu'ils font la petite visite, qu'ils vont visiter les gens, ils se divisent en dalil, un guide, un mutakallim, quelqu'un qui parle, et un autre qui fait le dhikr ou des choses comme ça. Donc ils divisent également la parole, ils délimitent les paroles qui doivent être mentionnées dans la visite qu'ils vont faire, les choses qu'ils doivent dire exactes. Il y a beaucoup d'autres règles et limitations qui sont mentionnées dans leurs enseignements, qui ne viennent pas de la charia d'Allah. Dans l'islam, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de choses qui délimitent ou qui règlent les activités de la da'wa ou des choses de ce genre. Hein? Ça, c'est des choses qui ont été établies, qui n'ont aucun fondement dans la méthode de la da'wa. Et ça, c'est pas, comme le cheikh dit, ça, c'est pas quelque chose qui est connu dans la voie des salaf salih. ثم بين الشيخ الحسين الحسين je pense que ça, si ça se prononce comme ça, لفساد عقيدتها بعد أن خبرها. ثم بين الشيخ الحسين فساد عقيدتها بعد أن خبرها وضلال مشايخها فقال ولم تحاول إصلاح عقيدة أتباعها لم تحاول إصلاح عقيدة أتباعها وجميع مشايخها من المتصوفة وتظهر روائح فساد المعتقد في بياناتهم جميعا لأنها تقوم على القصص والخرافات لا على الصحيح من الكتاب والسنة وفقه علماء الأمة وليس أظهر في الأدلة على ذلك من وجود القبور في مسجدهم الرئيسي في دلهي وبجوار مسجدهم الرئيسي في رأي وند الباكستان بالباكستان وفي مسجدهم الرئيسي في السودان ويكفي النفس والشيطان في أن يطرأ اللين في المعتقد على على جزيرة العرب والملاذ الأخير. Qu'est-ce qu'il dit ici? Il a expliqué maintenant la mauvaise aqida que les gens de cette secte ont et l'égarement de leur chouyour. Il mentionne comme exemple ici qu'ils n'ont pas essayé de corriger la aqida de leurs fidèles. Et la plupart ou la majorité de leurs chouyour sont des soufis en Inde. Et on voit en eux, on sent en eux l'odeur de la mauvaise croyance qu'ils ont dans leur bayanat et dans leur discours qu'ils font. Hein? On remarque cette tendance qu'ils ont de soufisme. Parce que quand ils font leur bayan, c'est basé sur des histoires qu'ils racontent et des superstitions. Et non pas sur une science correcte et authentique du Coran et de la Sunna. Et de la compréhension et du fiqh des ulama de l'islam. Et il n'y a rien de plus apparent que ça lorsque tu vois la présence des 4 tombes dans leur mosquée centrale à Delhi. Hein. Et aussi quand tu vois les tombes qui sont autour de leur mosquée centrale à Rai et à Nit au Pakistan, et aussi dans leur mosquée centrale également au Soudan. Et ici il y a une note de bas de page ici. ويكابر بعض التبليغيين الجدد فينكرون شهادات العدول الثقات قائلين خرجنا مع الجماعة ولم نرى ذلك. Il dit, dans la note de bas de page en bas, c'est écrit, il y a certains parmi les nouveaux, parmi les tabliriyins, ils nient ce genre de témoignages qui ont été faits par des gens honnêtes et fiables. Et ils disent, nous on est sortis avec la jama'a et on n'a pas vu ça. Al-jawab, an yuqal, man hafidha hujjatan, ala man lam yahfaz. Wa man alima hujjatan, ala man lam ya'lam. Wa antum fi awwali tariq al-tabliq, wa sayadharuna وسيظهرونكم وسيظهرونكم في آخره على قبورياتهم وشركياتهم بعد تمييعكم وتهوين أمر الشرك في قلوبكم ولو فرض عدم وجود تلك القبور المعبودة من دون الله فيكفي ما في كتب الجماعة من تقرير ذلك كما في كتاب تبليغ نصاب فضائل الأعمال وغيره وتقدم أول الكتاب في شيء من كلامهم واعتقاداتهم والله المستعان. Donc il dit, la réponse à ça, c'est que celui qui a connu une preuve, il a précédence sur celui qui n'a pas appris ou mémorisé une preuve, et celui qui a su la preuve, il est au-dessus de celui qui n'a pas su. Hein? Donc il dit, vous êtes des nouveaux, vous êtes dans le début de votre chemin d'établir, et donc vous n'avez pas encore vu ces choses-là. Lorsque ils vont voir que vous avez été acquis et que vous avez accepté de dénigrer ou d'avoir moins d'importance dans votre cœur pour le tawhid, et que vous avez moins d'importance dans votre cœur pour le danger du shirk, eh bien là ils vont vous montrer leur tombe et leur shirkiyat, etc. Il dit, même s'il n'y avait pas ces tombes-là dans leur centre, dans leur mosquée qui sont adorées en dehors d'Allah, c'est suffisant qu'est-ce qui est écrit dans les livres de la jama'a pour confirmer que ces gens-là, ils acceptent ce genre de choses-là et qu'ils acceptent ces actes qui sont faits autour des tombes, hein, et des choses de ce genre, parce qu'il y a des témoignages dans leurs livres qui mentionnent ces choses-là, et on en a mentionné déjà dans les cours précédents. Le cheikh, il dit donc ensuite, il dit, donc c'est ça, dans leur mosquée, dans différents pays, on voit ces tendances-là. Et يكفي النفس والشيطان أن يطرأ اللين في المعتقد على جزيرة العرب الملاذ الأخير. Ensuite, il dit, ثم بين وفقه الله موقف علماء أهل السنة من هذه الجماعة المحدثة فقال, أما أن بعض العلماء في السعودية أو غيرها قد أيد الجماعة فلا يعرف عالم يعتد به خرج مع الجماعة ثم زكاها, وإنما يأخذ بعض العلماء بتزكية بعض أفرادها لها بمبالغتهم في ذكر إنجازها وستر عيوبها فيستر منهم تأييد لها, وقد حذر منها عدد أكبر من العلماء, منهم عبد الرزاق عفيفي وصالح اللحيدان وعبد الله الغديان والشيخ صالح الفوزان من هيئة كبار العلماء وكثير غيرهم من طلاب العلم الذين رافقوهم شهورا وأعواما وانقطعوا لدعوتهم حتى أمن مشايخهم منهم فأظهروا الجانب الحنفي من دعوتهم وبدعهم فأعلنوا مبايعتهم على التصوف وأطلعوا الناس على النصوص الشركية والبدعية في مناهجهم وبخاصة تبليغ نصاب, وقد كنت وقعت في تأييدهم وتزكياتهم لدى العلماء ودافعت عنهم حتى اطلعت على ما خفي علي من فساد جماعتهم. Il dit ensuite, ce cheikh qui était avec eux, Cheikh Saad al-Hassin, il dit ensuite qu'il a clarifié la position des ulama d'Ahl-Sunnah au sujet de cette jama'a. Il dit, au sujet de du fait que certains des ulamas de l'Arabie Saoudite ou d'ailleurs qui ont supporté cette jama'a, il dit je ne connais pas aucun savant qu'on prend en considération qui est sorti avec cette jama'a puis qui par la suite les a mentionnés comme étant des gens bien ou des gens corrects. C'est en fait, qu'est-ce qui se passe, c'est que la plupart des ulamas qui ont fait une tazkiya pour eux se sont pas basés sur leur propre connaissance de ce qu'ils savaient de cette jama'a, mais ils se sont basés sur certains individus qui ont fait une tazkiya de cette jama'a et qui ont exagéré dans le fait de mentionner les bons aspects qu'ils font et des résultats qu'ils ont dans leur da'wah et qui ont caché leurs défauts et leurs fautes. Et donc, par la suite, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on voit que certains de ces ulama avaient supporté ou défendu cette jama'a. Mais il y a, malgré ça, d'autres ulama, parmi les grands ulama, qui ont averti contre eux. Comme le Cheikh Abdurrazzaq Afifi, Cheikh Salih Al-Luhaydan, Cheikh Abdullah Al-Hudayyan, et Cheikh Salih Al-Fawzan, parmi les grands ulama, et d'autres également, parmi les Tullab Al-Ilm, et ceux qui les ont accompagnés pendant des mois, pendant des années, et ils se sont consacrés à cette jama'a et à leur da'wah pendant des années, jusqu'à ce que leur shuyur commence à leur faire confiance et leur montre leur côté hanafi dans leur da'wah et dans leur bid'ah. Et ils ont montré ouvertement leur serment d'allégeance pour le tasawwuf, pour le soufisme. Et ils ont montré aux gens également les textes de shirk et de bid'ah qui sont dans leur méthodologie, dans leur livre, et en particulier Tablir al-Nisab. Et il dit... وكنت وقعت في تأييدهم وتزكياتهم لدى العلماء. Il dit j'avais vu leur tazkiya, j'avais vu les tazkiyas que les ulama avaient fait pour eux, et je défendais ces gens-là jusqu'à ce que je découvre qu'est-ce qui était caché de la corruption de cette jama'a. Puis par la suite, j'ai abandonné ces gens-là. Donc ça, c'est pour dire que c'est ça ce qui se passe souvent pour essayer de gagner le support et l'approbation de certains imams ou de certains shuyur. Ils vont se baser sur le témoignage de certaines personnes qui disent des choses de bien à leur sujet et ils cachent les défauts de cette jama'a. Mais malgré tout, alhamdoulilah, il y a des ulama qui ont été au courant des déviations de ce groupe-là et qui ont averti à ce sujet-là. Donc ils ont par la suite... les gens ont été mis en garde contre eux. Alhamdulillah. Et c'est comme ça, en fait, comme le cheikh il le dit au début, ils ne te montrent pas leurs erreurs et leurs égarements de cette façon-là. Ils ne te laissent pas rentrer à l'intérieur pour voir les problèmes et les contradictions avec l'islam, jusqu'à ce qu'ils commencent à te faire confiance et qu'ils savent que tu es gagné à la cause. Alors là, ils te montrent les problèmes et les égarements qu'ils ont dans leur jama'a et des choses de ce genre. Ensuite, le cheikh dit « Thumma dhakara ra'ahullah fi risalatin lil'allama ibn Baz ba'd ma attala'a alayhi min bida'ihim wa khurafatihim faqal » Donc ensuite, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que il a écrit une lettre au cheikh Abdul Aziz ibn Baz et il a mentionné certaines des innovations et des superstitions qui sont pratiquées par ces gens-là. Donc il les a cités dans cette lettre. Il dit awwalan i'tirafuhum bil bay'a wa hiya ala arba'i turuq al jistiyya wa al naqshbandiyya wa al sahr wardiyya wa al qadiriyya wa qad araftu min awradiha. Donc il dit premièrement, parmi les choses qu'ils font qui sont contraires à l'islam, qui est bid'a, c'est le fait qu'ils reconnaissent la bay'a. Et la bay'a, déjà en partant, c'est une innovation et c'est une bid'a. Il faut être conscient de ça. N'importe quel jama'a, n'importe quel groupe qui invite les musulmans à donner une allégeance à un cheikh ou à un imam ou à un groupe d'un parti islamique, ça en partant c'est une bid'a, c'est une innovation. Pourquoi? Parce que dans l'islam, il n'y a pas de bay'a excepté pour le dirigeant, le chef de l'État musulman. En dehors du chef d'un État musulman, il n'y a pas de bay'a pour personne. Hein? On ne doit pas donner le bai'a à quiconque. Mais les soufis et les groupes islamiques, ils se basent sur la bai'a. Hein? Ils se basent sur la bai'a et ils demandent à leurs fidèles et à leurs membres de donner la bai'a. Donc ça, c'est une bid'a déjà en partant. Et en plus, donc, ils, non seulement ils font une bai'a pour leur cheikh, mais cette bai'a, elle est basée sur les quatre turqs soufis qu'on a mentionnés dans les cours précédents. Al-Jistiyya, qui est une des turqs, Al-Naqshbandiyya, Al-Sahrawardiyya et Al-Qadiriyya. Et ça, ce sont quatre parmi les turqs des garments des soufis. Et dans toutes ces turqs, il y a des croyances de shirk et de wahdat al-wujud et des garments, de choses qui sont vraiment en opposition avec le tawhid. Hein? Et juste pour vous donner l'exemple de Al-Sahrawardiyya, subhanallah, eh bien Al-Sahrawardiyya, Al-Sahrawardi lui-même, il a été exécuté, hein, à l'époque, par les ulama ont ordonné que cet homme-là soit exécuté. Il faisait des du'as et demandait à Allah subhanahu wa ta'ala de le faire être un prophète. Donc ça, c'est des exemples. Hein. Et Al-Naqshbandiyya, tout le monde connaît leurs égarements, leur cheikh Nazim, il est connu maintenant un peu partout dans le monde, avec leurs superstitions et leurs mensonges. Hein? Hein, c'est déjà, même ici à Montréal, ils ont un centre, hein, sur Fermente et ils dansent dans leur mosquée, ils tournent en rond comme des fous. Et ils pensent que ça c'est en accord avec l'islam. Hein? Et leur imam est allé, à tout le monde en parle, hein? Omar connaît, il est allé à l'émission Tout le monde en parle, il leur dit qu'il accepte l'homosexualité, puis il accepte l'alcool, et de s'asseoir avec des gens qui boivent de l'alcool, il n'y a pas de problème, hein, des choses de ce genre. Donc ça, c'est pour vous montrer un peu l'exemple de ces gens-là, comment ils se basent sur ces turqs soufis. Ensuite, il y a Al-Muraqaba Al-Chistiyya. Il dit, j'ai appris un peu de leur awrad. Les soufis, ils ont qu'est-ce qu'on appelle un wird. Un wird, c'est-à-dire une série de zikr qu'ils doivent faire quotidiennement. Hein, c'est comme pour eux obligatoire de faire ce wird-là que leur cheikh leur a prescrit. Et ça n'a rien à voir avec ce qui est dans le Coran et dans la Sunna. Hein, c'est pas un wird qui est basé sur le Coran et la Sunna authentique. C'est un wird que le cheikh lui-même il a inventé. Des rappels que le cheikh lui-même il a inventé. Et parmi ces exemples, il y a qu'est-ce qu'on va mentionner ici. Al-muraqabatul jistiyya. Hein, qada'u nisf sa'a usbu'iyan 'inda qabri ahad al-mashayikh ma'a taghdiyat ar-ra's wal-wajh wa tardid Allah hadiri Allahu hadiri. Allahu hadiri Allahu naziri. Donc il répète ça. Donc c'est quoi al-muraqabatul jistiyya? Al-muraqaba, ça veut dire c'est la surveillance, le fait que, hein, et que tu crois que Allah est en train de te voir et de t'observer. Donc, qu'est-ce que c'est ça, al-muraqaba, dans la tariqa al-jistiyya? C'est que tu t'assois pendant une demi-heure chaque semaine auprès d'une tombe d'un des chouyours de la tariqa. Et tu te couvres la tête avec un vêtement, le visage et la tête avec un vêtement. Hein? Et tu dis, Allahu hadiri, Allahu naziri. C'est-à-dire, Allah, il est en ma présence et Allah, il est en train de me regarder, celui qui me regarde. Hein? Et à la base, comme les chouyours soufis ont expliqué que pour arriver au niveau, pour atteindre le niveau de rapprochement, pour arriver à Allah subhanahu wa ta'ala, pour faire partie des gens qui sont élevés dans le soufisme, il faut faire une retraite religieuse, spirituelle, soi-disant, comme ils appellent. Un peu comme les bouddhistes et les bouddhistes et les hindous, qui vont se retirer dans un endroit et rester pendant des années ou des mois à faire des méditations pour arriver au nirvana ou arriver à l'illumination. Eh bien, eux, ils croient aussi qu'ils doivent faire ça. Il y en a qui ont raccourci l'affaire, étant donné que ils peuvent pas tous parfois s'en aller dans des endroits éloignés, dans des montagnes ou dans des cavernes ou des choses comme ça. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'en vont autour de la tombe, puis ils se mettent un drap sur la tête, comme ces gens-là, comme si ça leur donne l'impression d'être dans un endroit renfermé, comme dans un endroit où il n'y a personne, et ils essaient de recréer cette atmosphère de monastère, là, comme ils sont éloignés de tout, ils ne voient plus rien sauf Allah. Hein? Et c'est pour ça qu'ils disent, Allah est en ma présence, Allah est celui qui me voit. Donc ça, c'est des exemples des bid'ahs de ces gens-là qu'ils doivent aller près de cette tombe-là pour faire ça. Et j'ai vu des gens, même à Médine, à la mosquée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui essayaient de faire ça. Hein, ils s'assoyaient en direction de l'endroit où il y a la maison d'Aïcha, juste en direction de la tombe, et ils se mettent un drap sur la tête, et puis tu les vois en train de bouger leur tête comme ça, en dessous de leur drap. Ils font ces formes de bid'ahs des soufis, comme ça. وَعَرَفْتُ الأنفاس القدسية ذكر الله بالأنف بدلا من اللسان والتنفس على سورة لفظ الجلالة 10 دقائق يوميا. Ça c'est une autre de leur bid'a, c'est الأنفاس القدسية, c'est la respiration sainte, comment ils l'appellent, les respirations saintes. Ils ont des sortes de respirations spéciales qu'ils font, c'est un dhikr. Ils disent que s'ils font le zikr d'Allah, mais au lieu de le faire avec la langue, ils le font avec le nez. Et donc, ils doivent respirer d'une certaine manière en mentionnant le nom d'Allah pendant 10 minutes à chaque jour. Donc, ils font le zikr, soi-disant avec le nez. Ça n'a rien à voir avec la sunna. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a pas enseigné de faire le zikr avec le nez ou de respirer avec le nez, essayer de prononcer le nom d'Allah avec le nez pendant 10 minutes, hein, chaque jour. Donc ça, c'est des exemples de bid'a de cette tariqa. Après, il dit wa dhikru bilaf illallah 400 marra wa lafdul jalala Allah 600 marra yawmiyan. Hein, ils doivent par exemple, ils vont s'asseoir pour faire le dhikr, ils vont mentionner illallah 400 fois chaque jour, et ils vont mentionner le nom Allah tout seul, juste Allah, comme ça 600 fois chaque jour. Donc tu dis, ils vont s'asseoir, ils vont dire illallah illallah illallah illallah illallah illallah illallah, ils disent même pas la ilaha illallah au complet, ils disent juste illallah illallah illallah 400 fois. Et il y en a des fois, ils ont un petit compteur, hein, des petits trucs là comme tu mets dans ta main, tu pèses dessus, puis ça te donne le chiffre, hein, que combien de, parce que des fois avec les billes, hein, c'est pas assez, ça marche pas avec les chapelets, c'est pas, il y en a pas assez de billes. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent le petit truc là pour compter. Et là à chaque fois, illallah, illallah, illallah, illallah. Après quand ils ont fini, ils ont fait 400, hein, ils arrêtent. Et il y a des ulama qui ont parlé de séparer le shahada de cette façon-là. Il y en a qui disent la ilah pendant des ils vont dire ça 600 fois ou 400 fois. Après ils vont dire illallah illallah illallah, hein. Alors, bien sûr, on a parlé de ça déjà, on a dit que ça c'était pas permis de faire des choses comme ça, et que c'est même, ça peut être considéré comme kufr, parce que tu dis la ilah, il y a pas de dieu, tu nies Allah subhanahu wa ta'ala et tout ce qui est adoré. Donc c'est comme si tu niais que tu dois adorer Allah pendant 400 fois, puis après tu dis illallah illallah sans dire la phrase au complet. Ça c'est pas acceptable et c'est pas correct. Et de juste mentionner le nom d'Allah comme ça, Allah Allah Allah Allah, ça c'est pas un zikr. Il y en a qui vont même pas dire Allah, ils vont dire hu hu hu hu, en voulant dire lui, hein, huwa. Il y en a en arabe, huwa c'est un pronom, hein, donc ils utilisent ce pronom là ils disent Hua, hu, hu, hu, hu, hu, hein, ça veut dire lui. Donc c'est ça leur zikr. C'est ça qu'ils font comme zikr. Ça c'est les exemples de l'égarement de ces gens-là. Hein. Et c'est une bid'a, ça n'a rien à voir avec la sunna de faire ça. Après, il mentionne également, deuxièmement, tazyinuhum al-bid'a wal-khurafat wal-shirk wa nashruha biwasitati tabligh al-nisab. مثل يا رسول الله أسألك الشفاعة وإخراج الرسول صلى الله عليه وسلم يده من القبر ليقبلها الرفاعي أو أن بعض الصالحين تذهب إليهم الكعبة في أماكنهم. Donc il dit également des formes de le fait qu'ils embellissent des formes de bid'a et de superstition et de shirk, et qu'ils les propagent par l'intermédiaire de tablir et nisab. Hein, leur livre qu'on appelle Tablir al-Nisab, qui est Fada'il al-A'mal, ils disent, ô messager d'Allah, on te demande là l'intercession. Alors qu'il est décédé dans sa tombe, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas le droit de l'invoquer, sinon c'est du shirk. Ou ils disent également dans Tabligh al-Nisab que, comme on a dit déjà, qu'il a sorti la main de, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a sorti sa main de la tombe pour que Al-Rifa'i puisse l'embrasser. Ou bien que les hommes pieux, la Kaaba, elle va les visiter là où ils sont morts, ou là où ils sont. La Kaaba, elle quitte la Mecque pour aller les visiter là où ils sont. Yani Allah al-Musta'an. Ça, c'est des exemples de mensonges et de superstitions de ces gens-là. Thalithan, يوجد في المركز الرئيسي بدلهي مقبرة داخل المسجد في الزاوية الخلفية منه وتضم قبر أميرها الأول محمد إلياس وأميرها الثاني محمد يوسف مؤلف كتاب حياة الصحابة وقبران آخران ويوجد في فناء المركز الرئيسي في السودان قبر ويخرج دعاة الجماعة إلى المساجد المبنية على القبور ويؤدون الصلوات الفرض والنفل فيها ويقيمون فيها ويقيمون فيها ويأكلون ويشربون وينامون وهم يرون القبوريين يستغيثون بأصحاب الأضرحة والأموات فلا يجيز لهم منهجهم الإنكار عليهم أو نصحهم أو الاعتراض على ما يفعلونه من شرك وبدعة أو بدعة أو بكلمة أو إشارة إن بجانب مركزهم في دلهي طواغيت من الأضرحة تسمى حضرة نظام الدين أولياء ولم تتأثر بوجودهم منذ 50 سنة لأن تصحيح العقيدة ليس من أهدافهم وفي المقابل رأينا في الملتزمين بمنهجهم حتى في مدن نجد وقراها في أبناء البادية ميلا لتصديق الأحلام وتحكيمها وادعاء الكرامات ولينا تجاه البدع والمبتدعين وخلطا في فهم التوحيد والشرك وتقديسا للمشايخ يعني مشايخ التبليغيين والخرافيين. Donc il dit, troisièmement, on retrouve dans leur centre principal à Delhi des tombes à l'intérieur de la mosquée dans la place en arrière. En arrière de la mosquée dans la Zawiya. Et également, donc, il y a la tombe de leur fondateur, le premier, Mohamed Elias. Ensuite, la tombe de leur deuxième amir, Mohamed Yusuf, celui qui a écrit Hayat al-Sahaba. Et deux autres tombes également. Deux autres tombes qui sont là-bas ici. Donc, en tout, il y a quatre tombes. Et il y a également dans la place centrale de leur mosquée centrale au Soudan. Une tombe également. Et les gens qui sont dans cette secte, dans la Jama'at Tabligh au Soudan, ils sortent dans d'autres mosquées qui ont été construites sur des tombes et ils font leurs prières là-bas, qui sont leurs prières obligatoires ou leurs prières surérogatoires. Ils les font dans ces mosquées-là qui sont construites sur des tombes. Alors qu'on sait que la prière dans une mosquée construite sur une tombe, elle n'est pas valable. Et également, ils restent dans ces mosquées-là pour manger et pour boire et pour dormir. Et ils voient que des gens viennent là-bas pour adorer les tombes, pour demander le secours aux tombes. Et donc ils cherchent le secours, ils demandent, ils appellent les gens de cette tombe au secours. Hein, les gens qui ont été enterrés, ils les appellent au secours et puis ils les adorent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et leur manhaj de da'wah, le manhaj de da'wah d'établir, leur interdit de dénoncer ou de les critiquer ou de leur donner la nasiha de ne pas faire ce genre de choses-là ou de s'opposer à ce qu'ils font comme shirk et comme bid'ah, même par une parole ou par un signe. Donc ils n'ont pas le droit de s'objecter ou de s'opposer à ce que ces gens-là sont en train de faire. Et même à Delhi, dans leur centre principal, ils ont des tawarit parmi les tombes qui sont adorées là-bas. Il y a par exemple un endroit qui s'appelle Hadrat Nizamuddin Awliya, et c'est des endroits où les gens vont pour adorer les tombeaux. Et le fait que, bon, c'est juste à côté du centre de Jamaat Tabligh là-bas. Et pendant 50 ans, depuis 50 ans que leur centre est là-bas, et jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont jamais été affectés par la présence du centre de Jamaat Tabligh. C'est-à-dire que, malgré que Jamaat Tabligh sont juste à côté de ces tombes-là qui sont adorées en dehors d'Allah, eh ben, ils n'ont jamais cessé de le faire malgré que leur centre est juste à côté. Ils n'ont pas travaillé pour corriger la aqida de ces gens-là. Hein, pourquoi? Parce que, comme le cheikh il dit que leur but et leur objectif n'est pas de corriger la aqida de ces gens-là. Ça ne fait pas partie de leur travail ou de leur objectif. Et en opposition, il dit, on a vu des gens dans différentes régions du Najd, hein, parmi les villages et les bédouins, et également dans les endroits éloignés, qui, une fois qu'ils ont fréquenté les tablighiens, ils commencent à croire aux rêves et à les prendre comme référence, et ils commencent à prétendre de faire des miracles, des karamats, des prodiges, ou bien ils ont une douceur envers les innovations et les gens des innovations, et ils commencent à avoir des erreurs et des mélanges dans leur compréhension du tawhid et du shirk, et ils commencent à vénérer les shuyukh, hein, les shuyukh des tablighiens. Donc ça, c'est pour vous dire comment le fait que ces gens-là ont propagé leurs innovations dans certaines régions de l'Arabie, eh bien, les gens ont commencé à adopter cette attitude-là envers les gens de Bid'a et envers la Bid'a. Ils ont commencé à avoir une acceptation de certaines Bid'a comme ça. Et je me souviens, il y a des années de ça, j'avais fait une khutbah même à l'université de Montréal, à l'université McGill, ici à Montréal, et j'avais parlé de l'innovation, j'avais parlé du danger des innovations, et après la khutba, il y a des Saoudiens qui étaient venus me voir, et pour me dire, oh, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas coopérer avec les gens de Bid'a, et des choses comme ça. Donc ça, c'était des gens, bien entendu, qui suivaient les tendances des sururiyas et des gens de ces tendances-là. C'est pour faire comprendre que les gens de Bid'a, les gens de Hizbiya, ils ont une douceur envers les gens de Bid'a. Et ils disent que, yani, il faut coopérer avec eux, collaborer avec eux quand même, c'est pas grave. L'important, c'est qu'on travaille pour l'islam et pour les musulmans. Hein? Donc ça, c'est les sururiyas et les ikhwan, ils défendent les tablighiens, même s'ils les critiquent, hein, ils les critiquent pour certains aspects de leur pratique ou de leur façon de pratiquer l'islam, mais ils les critiquent pas d'une critique islamique, ils les critiquent pas par rapport aux preuves du Coran et de la Sunna, ils les critiquent uniquement par rapport au fait que pour eux, leur façon de faire la da'wa, ça s'applique pas à leurs intérêts ou à leur programme. Hein, c'est comme Hassan Ekhuisen. En Europe, quand il a critiqué Jamaat Tabligh, il dit, moi aussi j'étais dans Jamaat Tabligh. Il dit, j'avais le 33 tours, hein, il parle du turban, il se moque, il dit le 33 tours. Et après il dit, j'avais le kamis et tout. Et puis, quand mes amis m'ont vu, ils se sont enfuis, ils sont pas restés avec moi. Il dit, est-ce que j'étais devenu un shaitan? Il dit, ah, je croyais pas à l'époque, hein. Puis après, j'ai compris que c'était mon apparence qui les faisait fuir. Et après, il dit, j'ai enlevé le 33 tours, j'ai auto-largué, hein, mon habit tablir, hein, et puis il dit, j'ai par la suite remis mes vêtements, mes jeans et tout, et là, le message est passé. Donc ça, c'est des exemples de cette façon dont il critique les autres jama'ats, non pas sur les bases du Coran et de la Sunna, mais juste sur des arguments futiles, sur des questions d'apparence ou des choses de ce genre. Il ne ramène pas les choses au Coran et à la Sunna, et il ne critique pas les gens de Bid'a par rapport à leurs erreurs dans leur aqidah ou dans leur manhaj. c'est juste des critiques superficielles. Allah al-musta'an. Et comme quatrième point, le cheikh il dit: وبعض المشايخ يكتبون الحجب وفيها آيات ومربعات وأرقام مبهمة ويستعينون بطلاب مدارس القرآن في مراكزهم في نقلها ونشرها. Dit quatrièmement également, parmi les formes de choses qui sont contraires à la aqida, parmi les choses qu'ils font, c'est qu'ils écrivent des talismans et des amulettes qu'ils portent, hein, qu'ils appellent hujum. Hein, ils écrivent dedans certains versets ou bien des carrés avec des chiffres dedans, hein, et ils les accrochent sur eux donc pour se protéger de certaines choses, et ils utilisent les étudiants des écoles coraniques pour les propager et les distribuer. Ça c'est donc des exemples de leurs croyances et de leurs pratiques qui sont contraires à l'islam et au tawhid. Donc on va s'arrêter ici inshallah pour aujourd'hui, et puis on continuera ça lundi prochain inshallah, là où on est rendu, clarifier encore d'autres égarements et des points qui sont contraires à l'islam dans les pratiques et dans les croyances de cette secte qu'on appelle Jama'at al-Tablir. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala protège la Ummah, les musulmans en France et ailleurs dans les pays francophones, de l'égarement de cette Jama'a. Parce que chaque fois même, Allah musta'an, à chaque année presque, on avait des visites des gens de cette secte qui venaient de la France, et il y avait toujours parmi eux quelques convertis qui étaient avec cette secte. Et c'est important d'avertir et de clarifier aux musulmans les égarements de ce groupe et de cette secte pour éviter justement qu'ils tombent dans leurs erreurs et dans leurs problèmes. Donc on va s'arrêter ici inshallah. Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayh, wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.